Je me suis sali, je me suis torché, je me suis lavé, je me suis brûlé, je me suis rasé, puis épilé, je me suis naître, puis décédé, je me suis croire, puis détesté, cédé, je me suis vu haïr, puis aimé, et les contraires, les opposés. Je me suis vu trompé, je me suis curé. Je me suis vu senti, bien, puis totalement mal. Je voulais crever, plus exister. Je voulais partir, plus revenir. Je voulais m'enfuir. Puis on finit, je voulais savoir, pour mieux comprendre, je voulais avoir, pour les surprendre, je croyais t'avoir acquis, je croyais savoir, savoir pour qui, je me suis trompé, je suis tombé, je me suis rendu compte, rien n'était vrai. Je me suis rendu compte que toi ça m'aimait, que c'était toi mon important, que c'était toi qui m'activait, que c'était toi ma raison, ma seule raison, que tout le reste n'était qu'illusion. Pour passer le temps, c'est divertir, changerait les idées. Que toi seul était pour l'heure, que moi seul était pour toi. Je me suis rendu compte à quel moment c'est crétin d'être un humain. C'était crétin d'être un humain. Je me suis salué, je me suis torché, je me suis lavé, Yeah.